Bonjour à tous, vous êtes bien sur Radio Gémozo, vous nous écoutez sur le 107FM ou sur internet. Il est 8h30, c'est Marion et vous êtes bien dans la matinale. Nous sommes le vendredi 22 juin. Nous souhaitons une bonne fête aux Albans, ça vient du latin signifiant blanc. Alban est amical et sympathique, chaleureux, communicatif et sociable. Séduisant, concerné par son apparence, il tente à soigner son image de marque, assez soucieux de l'effet qu'il produit sur autrui. Souple et adroit, adaptable, il possède une aisance verbale certaine et s'exprime avec un vocabulaire choisi. Tant pour le plaisir de jouer avec les mots que pour ne pas passer inaperçu. S'il se montre parfois autoritaire, arrogant et colérique, c'est pour cacher son manque d'assurance ou sa timidité envahissante. De plus, son hyper-émotivité lui joue des tours et ses humeurs sont irrégulières, ce qui n'est pas sans répercussion sur son activité et son efficacité. En fait, deux tendances peu conciliables s'affrontent au sein de sa personnalité. Le 1, masculin, actif, dynamique, indépendant, autoritaire, entreprenant, ambitieux et volontaire. Et le 2, plutôt féminin, passif, dépendant, influençable, émotif, intuitif et velléitaire. Dicton du jour, à la Saint-Alban, on peut poser ses vêtements. Beau temps, trois jours durant, avant la Saint-Jean, beau grain pour l'an. Célébration internationale aujourd'hui en France, c'est la journée nationale de la réflexion sur le don d'organes et la greffe. En Colombie, c'est la journée de l'avocat et au Salvador, c'est la journée du professeur. Allez, on marque tout de suite une première pause musicale avec Cyndi Lauper et le titre A girl just want to have fun. Oh, Cyndi Lauper sur RGM, pile 8h36, on parle anniversaire. Ils sont nés un 22 juin 1936. Naissance de Chris Christopherson, acteur américain, vu dans Flashpoint, Blade 1 et 2 et Blade Trinity dans le rôle d'Abraham Whistler, La planète des singes, Ce que pensent les hommes, L'incroyable histoire de Winter le dauphin 1 et 2 dans le rôle de Reed Askett. 1941, naissance de Michael Lerner, acteur américain, vu dans Maniac Cop 2, Godzilla, La malédiction de la momie, X-Men Days of Future Past dans le rôle du sénateur Brickman, la série télé Clueless dans le rôle de Mel Horowitz, New York 911 et New York Unité Spéciale dans le rôle de Monty Berger. 1949, naissance de Meryl Streep, actrice américaine, vue dans Julia, Kramer contre Kramer dans le rôle de Joanna Kramer qui lui a valu l'Oscar du meilleur second rôle, Le choix de Sophie dans le rôle de Sophie Kavistowski qui lui a valu l'Oscar de la meilleure actrice, Falling in Love, Out of Africa, dans le rôle de Karen Christensen-Dinensen-Blixen, Sur la route de Madison, The Hours, Le Diable s'habille en Prada, dans le rôle de Miranda Priestly, Mamma Mia, dans le rôle de Donna Sheridan, rôle qu'elle reprendra d'ailleurs dans Mamma Mia 2, sortie prévue pour cette année, vue également dans La Dame de Fer, dans le rôle de Margaret Thatcher, qui lui a valu l'Oscar de la meilleure actrice, Les Suffragettes, Pentagon Papers, dans le rôle de Katharine Graham, et elle sera aussi cette année à l'affiche du film Le Retour de Mary Poppins dans le rôle de Topsy. C'est également l'année de naissance de Lindsay Wagner, actrice américaine connue pour son rôle de Jamie Summers dans la série télé Super Jimmy, vue également dans NCIS Enquête Spéciale et Grey's Anatomy. 1952, naissance de Graham Greene, acteur canadien connu pour son rôle d'Harry Clearwater dans Twilight chapitre 2 et la série télé Numbers dans le rôle du chef James Clearwater. 1953, naissance de Cyndi Lauper, chanteuse et actrice américaine, vue dans plusieurs épisodes de la série Bones dans le rôle d'Avalon Harmonia. 1958, naissance de Bruce Campbell, acteur américain, vu dans Evil Dead 1, 2 et 3 dans le rôle de Ash Williams, Maniac Cop 1 et 2 dans le rôle de Jack Forrest, la série télé Hercule dans le rôle d'Autolycos, qu'il a d'ailleurs repris dans quelques épisodes de Xena la guerrière et vu également dans Charmed. 1959, naissance de Nicolas Sirkis, chanteur-guitariste du groupe Indochine. 1966, naissance d'Emmanuelle Seigné, actrice française, vue dans Place Vendôme dans le rôle de Nathalie. Ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants. Le scaphandre et le papillon dans le rôle de Céline Desmoulins, la môme ou encore le code a changé dans le rôle de Sarah. 1968, naissance de Véronica Loubry, animatrice télé et radio française. 1970, naissance de Cathy Andrieux, actrice française connue pour son rôle de Cathy dans Hélène et les garçons ainsi que dans Les mystères de l'amour. 1971, naissance de Marilyn Rajkoub, actrice américaine connue pour son rôle de Chloé O'Brien dans la série télé 24 heures chrono, vue également dans Grey's Anatomy et Mentaliste. 1979, naissance de Thomas Vauclair, ancien cycliste sur route français qui a fait carrière de 2001 à 2017, qui a été champion de France sur route en 2004 et 2010, meilleur grimpeur du Tour de France 2012 et il a remporté 4 étapes sur le Tour de France. 1983, naissance de Jérémy Roy, cycliste sur route français qui a remporté le prix de la combativité du Tour de France 2011. 1984, naissance de Janko Tipsarevic, joueur de tennis serbe professionnel depuis 2002. Meilleur classement à l'ATP, la 8e place atteinte en 2012. Quart de finaliste à l'US Open, 8e de finaliste à l'Open d'Australie, Roland-Garros et Wimbledon. Il a remporté une Coupe Davis en 2010 et 2 World Team Cup en 2009 et 2012. 1985, naissance de Douglas Smith, acteur canadien connu pour son rôle de Tyson dans le film Percy Jackson, La mère des monstres. C'est également l'année de naissance de Paco, comédien humoriste français découvert dans On ne demande qu'à en rire. 1989, naissance de Djibril Camara, joueur de rugby à 15 français, professionnel depuis 2007 et qui joue bien depuis cette époque au Stade français. En 1965, décédait David Selznick, producteur américain qui l'on doit L'oiseau de paradis, Vol de nuit en 1933, Les quatre filles du docteur Marsh, autant en emporte le vent, qui lui a valu l'Oscar du meilleur film, ainsi que le film Rebecca, pour lequel il a également remporté un Oscar. En 1969, décédée Judy Garland, actrice américaine, vue dans Le Magicien d'Oz, pour lequel elle a remporté l'Oscar spécial de la meilleure jeune actrice, et on avait pu la voir également dans En avant la musique ou encore L'ombre du passé. En 1987, décédé Fred Astaire, acteur danseur américain, vu entre autres dans Le tourbillon de la danse, Une demoiselle en détresse ou encore La tour infernale. Et en 2015, on apprenait le décès de James Horner, compositeur de musique de films à grand succès. Il a fait les musiques sur les films Retour vers le futur, Alien le retour, Chérie j'ai rétréci les gosses, L'affaire Pélican, Braveheart, Jumanji, Le masque de Zorro, La légende de Zorro, Le Grinch, Stalingrad, Avatar. Son dernier film, c'était Les Sept mercenaires. Et il a fait la musique sur le film Titanic, qui lui a valu l'Oscar de la meilleure chanson originale, ainsi que l'Oscar de la meilleure partition originale pour un film dramatique. Et on va écouter une musique du film Titanic. Le thème s'appelle Rose. Voilà, donc le thème est consacré au personnage de Rose. Souvenez-vous, ça donnait ceci. Voilà pour l'extrait donc de la musique composée par James Horner sur le film Titanic. On écoute maintenant Indochine avec leur titre « Trois nuits par semaine ». Trois nuits par semaine, c'est sa peau contre ma peau et je suis avec elle. Et trois nuits par semaine, mais bon Dieu qu'elle est belle. Oh, Indochine, 3 nuits par semaine sur le 107 FM. Il est un peu plus de 8h48 et on parle météo. La météo. Alors ce sera encore une belle journée ensoleillée aujourd'hui avec des températures qui diminuent un tout petit peu hein, quand même. Ce matin, on a des températures comprises entre 9 et 10 degrés. Pour cet après-midi, ce sera entre 17 et 19 degrés. On va passer un week-end très ensoleillé avec des températures qui vont être agréables. Hein. Pour samedi, ce sera entre 10 et 11 degrés le matin, entre 18 et 20 degrés l'après-midi. Et pour dimanche, entre 11 et 12 degrés le matin et entre 17 et 19 degrés l'après-midi. Voilà pour la météo. On fait maintenant un point sur l'actualité sportive. Les résultats sportifs. En tennis, au tournoi de Halle, Benoît Paire a donné du fil à retordre à Roger Federer. Le Français a même eu 2 balles de match. Mais au final, c'est le Suisse qui s'impose en 3-7, 6-3, 3-6, 7-6. Plus de Français à Halle. Tournoi du Queens, c'est Manarino qui s'est imposé face à son compatriote Julien Beneteau en 2-7, 7-6, 6-3. Et Djokovic s'est qualifié en 2-7 face à Dimitrov, 6-4, 6-1. Aujourd'hui, Manarino affrontera Djokovic et Jérémy Chardy se repose à Tiafoe. Et à Majorque aujourd'hui, Caroline Garcia affrontera Kenin. Un mot d'escrime avec l'équipe de France féminine qui était sacrée championne d'Europe en épée. Et ce week-end, il y a le grand retour en Formule 1 du Grand Prix de France. Et oui, après plusieurs années d'absence, eh bien le Grand Prix revient. C'est ce week-end. Allez, on s'envole pour la Russie. Ça y est, l'équipe de France est qualifiée pour les huitièmes de finale grâce à sa victoire hier soir, 1-0 face au Pérou, but signé Kylian Mbappé qui est d'ailleurs devenu hier le plus jeune Français à avoir inscrit un but en Coupe du Monde. Et oui, pour preuve, il n'était pas né en 1998 quand la France a gagné la Coupe du Monde. Et oui, il est tout jeune, Kylian Mbappé, et il donne donc la victoire et la qualification pour les huitièmes de finale avec une très belle première mi-temps. La deuxième, ça s'est un petit peu plus compliqué, mais bon, voilà, il reste encore le match de mardi avec l'objectif, eh bien, la première place hein, face au Danemark qui a d'ailleurs hier fait match nul face à l'Australie. Et alors, hier soir, la Croatie s'est imposée 3-0 face à l'Argentine de Lionel Messi, ce qui donne ce matin, eh bien, l'Argentine troisième de son groupe, ce qui voudrait dire qu'elle serait eh bien, d'ores et déjà éliminée. Voilà, ce serait un gros morceau hein, qui serait éliminé de cette Coupe du Monde. Mais ça ferait quand même, bien, on va pas se mentir, hein, les affaires de l'équipe de France qui rencontrera, alors si la France termine première de son groupe, eh bien le deuxième du groupe de l'Argentine qui ce matin est l'Islande. Et si la France termine deuxième, rencontrera le premier de ce groupe qui est la Croatie. Donc bon, il y a du gros morceau quand même en huitième pour l'équipe de France. Et alors, on va passer au programme d'aujourd'hui et de ce week-end pour cette Coupe du Monde. Alors aujourd'hui à 14h, il y aura Brésil-Costa Rica. 17h, Nigeria-Islande, qu'on va suivre de très près. Hein. Et 20h, Serbie-Suisse. Samedi à 14h, il y aura Belgique-Tunisie. 17h, Corée du Sud-Mexique. Et 20h, Allemagne-Suède. Et dimanche à 14h, il y aura l'Angleterre face au Panama, à 17h le Japon face au Sénégal et dimanche soir à 20h il y aura Pologne-Colombie. Voilà pour l'actualité sportive, on va marquer notre dernière pause musicale avec un morceau que j'adore en ce moment, je ne m'en lasse pas, c'est Maître Gims, Vianney la même. Mes amis entendaient la vie que j'ai eue. Où les gens m'attendaient, je ne suis pas venu. Si je les emmêle, si je dérange, c'est que je suis un pêle-mêle, un mélange. Je suis trop compliqué, je choisirai jamais que les deux côtés. Ne me demande